Les nuits de France Culture, la nuit de la Bilipo. Bonsoir Jean-François Merle. Bonsoir Philippe Garbi. Alors c'est en compagnie de Catherine Chauchard, qui est la conservatrice en chef de la Bilipo, et de Mathieu Letourneux, commissaire de l'exposition L'Europe du Polar, qui vient d'être inaugurée donc à la Bilipo, que nous avons commencé cette nuit. Je vous laisse le soin, Jean-François Merle, d'informer les auditeurs qui, par extraordinaire, nous rejoindraient sans savoir que c'est la nuit de la Bilipo, mais ils le savent maintenant, et peut-être ne savent-ils pas ce qu'est la Bilipo elle-même, s'ils n'étaient pas là à minuit. La Bilipo, c'est la bibliothèque des littératures policières. C'est une bibliothèque unique en France et peut-être même dans le monde. Et formidable. Dans le 5e arrondissement à Paris. Donc, dans le 5e arrondissement, rue du Cardinal Lemoine. 48-50. 48-50, exactement. C'est un lieu que vous fréquentez? Ah oui, c'est un lieu que je fréquente. C'est une bibliothèque de recherche, hein, qui est sur plusieurs étages. Alors évidemment, il y a le rez-de-chaussée dans lequel les ouvrages sont à disposition du public. Et c'est un fonds de romans policiers considérable, francophone et anglophone. Alors ça ne peut ainsi que vous intéresser. Ainsi des affiches, vous. Oui, des tas de choses. Et des expositions. Voilà, avec un personnel très compétent, hein, en particulier Catherine Chauchard, qui est la conservatrice en chef, voilà. Et qui est d'une érudition incroyable. Bon. Et très sympathique en même temps. Oui, oui, oui. Alors, vous avez besoin qu'elle vous prête des livres? Comment ça se passe? Voilà, oui, j'y suis allé de temps en temps dans le cadre de mon métier d'éditeur pour retrouver des textes qu'on trouve pas ailleurs, qu'on a du mal à trouver. Et d'une part, et deuxièmement, nous avons organisé des tas de choses ensemble, des expositions, en particulier avec Loustal autour de Simenon. Nous y avons fait des conférences sur les héros de romans policiers, sur Simenon à nouveau, etc. Enfin bref, la Bilipo est un véritable partenaire pour les éditeurs. Alors, éditeur que vous êtes, j'ai votre fiche de police sous les yeux, donc on va pouvoir vérifier ensemble, Jean-François Merle. Vous êtes donc, vous êtes romancier, vous avez eu le prix du premier roman, c'était pour... Un roman qui s'appelle Cale sèche. Chez Arléa. Paru chez Arléa en 1987. Roman policier, roman noir. Roman. Qui à l'époque était contemporain, qui l'est de moins en moins. Vous êtes aussi traducteur, vous avez le trophée 813 du meilleur traducteur. Voilà, pour là, un roman, on peut pas dire que ce soit un roman policier, mais c'est un roman très noir, très noir. C'est Raphaël, Dernier jour, de Gregory MacDonald, qui est un chef-d'œuvre. Et dont l'autre titre est The Brave. Enfin, c'est le titre américain et ça a été le titre du film qui en a été tiré. Alors, vous êtes aussi éditeur aux Presses de la Cité et donc chez Omnibus, puisque Omnibus ça fait partie du groupe des Presses de la Cité. Et Omnibus, ça tombe bien, parce qu'Omnibus réédite l'intégrale des chroniques du 87e district d'Ed McBain. Oui. C'est Ed McBain, très connu ou inconnu. Quand on le découvre, on se dit, mais pourquoi ai-je attendu tant de temps? Ah, bravo. Comme disait, à propos d'un autre auteur, un critique, il disait, il y a deux sortes de lecteurs, il y a ceux qui l'adorent et ceux qui ne le connaissent pas. On peut dire la même chose des chroniques du 87e district d'Ed McBain, qui est donc une série policière, dont le premier roman est paru en 1956 et qui a duré 50 ans. Il y a 53 romans, toute une série dont la particularité est que il n'y a pas à proprement parler de héros. Il y en a plusieurs. Le héros, c'est un commissariat. C'est ça l'extraordinaire originalité de cette série. C'est que McBain a inventé un héros collectif qui est une brigade d'inspecteurs. Et on suit ces inspecteurs dans leurs enquêtes au plus près de la réalité, au plus près de la vérité. Alors à la fois dans les enquêtes elles-mêmes, hein, puisque McBain n'hésite pas à détailler le travail des policiers et sans jamais être ennuyeux. On sait combien ils gagnent d'argent. On sait combien ils gagnent, on sait comment ce que c'est qu'un défilé, quand les malfrats défilent justement devant tous les policiers pour que chacun ait dans l'œil les personnes qu'on a arrêtées la veille. À un certain moment, il va consacrer une page à nous expliquer le fonctionnement des menottes et à crémaillère. Et c'est très intéressant. Oui, ça pourrait être très ennuyeux, mais ça pourrait être... mais c'est très intéressant, en fait. Ce sont des romans qui sont bourrés de digressions, comme ça, sous la plume d'un autre auteur seraient rébarbatives, et sous la plume de MacBain sont au contraire des sortes de récréations dans le fil de cette enquête. Alors, cette réédition, donc, 87e district, c'est en 9 volumes chez Omnibus. On a compris la vieille Europe pour l'Amérique, puisqu'on est avec Ed MacBain en votre compagnie, Jean-François Merle, oui, pour quelques dizaines de minutes. Mais est-ce qu'on est arrivé à New York pour de bon ou pas du tout? En fait, oui. MacBain ait inventé une ville. Sa ville s'appelle Isola. C'est une mégapole dans laquelle on peut voir New York. Bien que par ailleurs, dans les romans, il soit question de New York, qui est une autre ville. Mais enfin bon, c'est une mégapole, donc une ville américaine très importante dans laquelle, qui est le symbole de la ville. Avec la ville, on est aux sources du polar. Hein. C'est-à-dire que finalement, Isola, cette grande ville, devient au bout d'un moment un personnage secondaire en quelque sorte. Hein. On voit la présence de la ville, le poids de la ville, et de ses bas-fonds, de ses turpitudes, etc. Puisque quand même, les policiers, cette brigade de policiers, combat le crime. Hein. Ils sont pas tous d'ailleurs des enfants de cœur. Hein, oh non, ils sont très divers. Ed MacBain a essayé de rendre compte d'une certaine vérité. Donc ces personnages de flics sont très divers. Il y en a des pas bons, il y en a des bons, il y en a des gentils, il y en a des pas gentils. Il y a un cogneur qui s'aime pas. Un méchant qui meurt assez vite. Assez vite, ouais. Oui, il meurt assez vite. Oui, parce que quand même, c'est les personnages de MacBain qu'on va suivre pendant 53 romans quand même, hein. C'est pas rien, pendant un demi-siècle d'écriture. Ces personnages sont très très attachants. Alors évidemment, le mauvais flic, c'est bien qu'il soit là, mais c'est bien qu'il dégage à un certain moment, parce que lui n'est pas attachant. C'est vraiment une ordure, hein. Il est raciste, il est menteur, il est pas honnête. Il a des manières d'interroger un peu... Ouais, brutal. Enfin, bref. Alors, comment est née cette série d'Ed MacBain? Au départ, c'est un éditeur qui pense peut-être qu'il y a eu d'autres séries avant qui ont un peu fait leur temps. Et... Tout à fait, c'est ça. Ed MacBain, au début des années 50, est un auteur populaire, reconnu, qui a déjà publié des tas de romans et nouvelles sous divers pseudonymes et dans tous les genres, en science-fiction, voilà. En particulier, c'est lui qui a écrit un roman, lui, de littérature générale, qui est Graines de violence, sous le nom de Evan Hunter, lequel Graines de violence sera adapté au cinéma par Richard Brooks. Et donc, c'est un auteur de magazine populaire qu'on appelait les pulps à l'époque. Et il est donc approché par un éditeur qui lui demande d'essayer d'inventer une série qui pourrait remplacer Perry Mason de Gardner. Earl Stanley Gardner, qui est l'avocat justicier qui avait été créé par Gardner dans les années 30, et dont l'éditeur pensait que, mon Dieu, il commençait à s'essouffler un peu. Et qu'il serait bon, c'était une série triomphale, hein, d'énormes succès, qu'il serait bon de songer adapté à la télévision aussi. Ah oui, avec Raymond Burr. Perry Mason, c'est vrai. Raymond Burr, je ne sais plus combien il y a eu d'épisodes, 300, quelque chose comme ça. L'éditeur demande à MacBain de songer à une série qui pourrait remplacer à terme la série des Stanley Gardner, du moins dans le cœur du public, parce qu'il n'était pas question pour lui d'arrêter Perry Mason. Mais enfin, il songeait, à bon droit ou pas d'ailleurs, qu'il fallait changer de génération. Voilà, alors MacBain se creuse la tête et il se dit, l'idée, ce serait non pas de créer un personnage, mais de faire d'une brigade d'inspecteurs un héros collectif. Et de raconter leurs enquêtes au plus près de la réalité. C'est-à-dire, c'est pas, on appelle ce genre le police procedural, le roman de procédure. C'est pas Ed MacBain qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a porté à la perfection. Hein. Alors, d'ailleurs, c'est un genre qui n'a jamais cessé d'exister. Quand on regarde, par exemple, à la télévision, des séries comme Les Experts, c'est ni plus ni moins que des enquêtes de procédure, puisqu'on nous montre pas à pas comment fonctionne chacun des protagonistes. C'était l'idée de McBain au départ, c'était de montrer la vérité du travail du flic, d'où ces digressions incessantes sur leur boulot, justement. Et je me souviens que le premier McBain que j'avais lu, j'avais été assez dérouté parce que il y a deux enquêtes qui n'ont rien à voir, avec qui mobilisent chacun deux inspecteurs d'un côté, deux autres inspecteurs de l'autre. J'avais été très dérouté, mais et pourtant, réfléchissant bien, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Hein, contrairement à ce qu'on peut voir en fiction, ce ne sont pas des enquêtes qui commencent à lundi et qui se terminent le vendredi. Non, elles tombent n'importe quand. Et voilà, il faut s'en occuper sur le champ. Et vous étiez dérouté, pourquoi ? Ben justement parce que j'avais pas l'habitude de ça. J'avais l'habitude, j'avais 20 ans. Je découvrais le roman policier, le roman noir en fait, à cet âge-là, oui. Ah, vous allez écrire, vous allez traduire, vous allez enseigner aussi la littérature policière à Paris 3. Oui. Donc vous allez vous occuper des éditions Omnibus, donc qui ont publié, qui publient Ed McBain. Gardner, j'aimerais bien qu'on y revienne trois secondes, parce que cet avocat justicier, lui aussi, c'est la procédure, c'est quelque chose de, ça tient énormément de place dans les enquêtes. Oui. Et à la limite, on se moque un petit peu de savoir si la personne, la blonde pulpeuse, a tué son mari ou pas. C'est vrai. L'essentiel, c'est que l'avocat puisse la faire acquitter. C'est vrai. Dans un procès qui a lieu trois jours après le crime. Enfin, c'est pas du tout la même. Absolument. D'ailleurs, Stanley Garmer était avocat lui-même. C'est quelque chose qu'il connaît parfaitement. Moi, j'appelle ça des romans policiers de prétoire. Donc, si vous voulez, c'est de la procédure, mais c'est de la procédure judiciaire. C'est un langage de droit, en quelque sorte. Et très déroutante pour les lecteurs français. Perret Meissen, oui, absolument. Oh, quoi que maintenant on s'y fait, objection au votre honneur, ça s'entend maintenant dans les tribunaux français, alors que non, c'est américain, bien sûr, à tort. Et, mais bien que le héros dans Stanley Garner, Perret Meissen, qui est tout malin, prennent bien souvent des libertés avec la loi, justement. Il n'hésitera pas à taper sur la tête de quelqu'un ou de rentrer quelque part par effraction. Enfin, il ne le dira pas, non. Mais en tout cas, il a toujours raison, bien entendu, Perry Mason, chez Gardner. Mais il ne s'intéresse pas vraiment au fait de savoir si son client ou sa cliente mérite la défense. Il défend des innocents. Stanley Garner défend des innocents, il défend pas des coupables. Mais nous on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais effectivement, non, il fait quand même assez attention aux affaires. Mais il est très très très procédurier, c'est son métier. Très procédurier, il est très habile. Très habile. Très sournois. Alors généralement, c'est le cas relativement classique. Il y en a eu plusieurs, des avocats justiciers. Le Michael Connelly, on a inventé un assez récemment encore. Enfin, Perry Mason était le premier, apparemment. Ah oui, c'était le premier. C'est vraiment le créateur. Et effectivement, il faut quand même ce sont quand même des romans policiers optimistes, si l'on peut dire. Le suspect, celui qui est défendu par Earl Stanley Garner, par Perry Mason, est innocent. Mais en tout cas, tout l'accuse au départ, d'où l'habileté de son avocat, qui généralement écrabouille le procureur dans une scène finale qui est souvent grandiose. Oui, c'est rapide. Il y a un temps qui, comme ça, il y a une lenteur, et puis soudain, hop, ça part et ça y est. Le droit, victoire du droit. Ouais, Raymond Chandler admirait énormément Stanley Garner et Perry Mason. Il disait vraiment que c'était un type qui savait raconter des histoires d'une façon impeccable. On les trouve aussi en collection Omnibus. On en trouve quelques-unes. Et puis d'autres aux éditions du Masque aussi, dans l'intégrale. Il y en a eu énormément. Je ne sais pas exactement combien il y a eu d'enquêtes ou d'aventures de Perry Mason, mais c'est vraiment un héros long cours. On va quitter Jean-François Merle provisoirement l'Amérique. On va rentrer un petit peu en France. « Donc là, on n'est plus à Isola, quelque part aux États-Unis. On est certainement à Paris la plupart du temps, mais parfois en province, bien entendu. On est avec Jean Richard, sa pipe et son imperméable. Et il est le commissaire Maigret à la télévision française. Jean-François Merle, vous aussi, vous avez réédité tout Maigret de Simenon, collection Omnibus. Oui. Combien de romans, là ? 75 romans. 9 tomes. 9 tomes et un tome de nouvelles. Et puis les mémoires aussi. De mémoires, il y en a une trentaine. Et les mémoires de Simenon. Et par ailleurs, à côté, les mémoires intimes, les mémoires intimes de Simenon ont été rééditées en septembre à la faveur de l'anniversaire de sa disparition en 89. Avec les dessins de Loustal, enfin les illustrations de Loustal, formidables sur chacun des 9 tomes. Alors, le professeur de littérature policière que vous êtes, l'écrivain, l'éditeur, peut passer de ce bon et placide commissaire Maigret au commissariat d'Isola où les flics ne sont pas tous des hommes tendres. Oui, c'est assez facile. C'est assez facile parce que Maigret est un flic. Ouais, il est à la tête aussi lui-même d'une équipe. Et les inspecteurs du 87e district sont eux-mêmes aussi des flics. Donc, que ce soit Simenon d'une part ou Ed McBain d'autre part, raconte des enquêtes. Hein, et des enquêtes, finalement, quand on regarde bien, les enquêtes de Maigret sont, en littérature en tout cas, proches de la vérité. Hein, proche de la procédure, en quelque sorte. Bien que ce ne soit pas le sens de l'écriture de Simenon. Et pas les tout premiers, peut-être. Enfin, pas les tout premiers. D'ailleurs, on l'avait un peu reproché, d'ailleurs, à Simenon, de pas... À un certain moment, il envoie Maigret enquêter en province, alors que non, en principe, non. Maigret est un flic parisien. Alors parfois, ensuite, Simenon fera attention, et à chaque fois que Maigret enquête hors de Paris, c'est qu'il a été invité, ou bien c'est par hasard. Oui, il part en vacances. Comme dans Maigret et Vichy, par exemple. Alors, est-ce que vous pensez que Simenon raconte aussi bien la France et puis la Belgique, souvent, que Ed McBain raconte 50 ans, par exemple, d'Amérique? C'est pas le sens de l'écriture de Simenon, à mon sens. Effectivement, Maigret a été écrit de 1931, l'apparition du premier Maigret, à 1972, le dernier Maigret, Monsieur Charles. Donc, on a 40 ans de vie française. Alors, dans les romans des années 30, Maigret, il a un col dur et un melon. Hein, et on parle des becs de gaz. Puis, dans les années 50, on verra que les gens demandent un jeton pour téléphoner, etc. Donc, si vous voulez, oui, il y a des tas de rapports avec la réalité de l'époque. Ils sont beaucoup moins importants que dans l'écriture de McBain. Simenon, c'est pas forcément appliqué à donner le reflet de l'époque dans laquelle l'intrigue se passe. Alors que McBain, oui. Hein, McBain a commencé à... Donc le premier roman est paru en 1956, le dernier est paru un peu après la mort d'Ed McBain, donc en 2006. Et là, enfin, il est mort en 2005. Et donc, on a un demi-siècle de vie américaine. Si bien qu'on peut lire les enquêtes du 87e district un petit peu comme une sorte de comédie humaine américaine de ce demi-siècle, lequel a vu des bouleversements et des mutations très importantes. Hein. C'est les droits civiques et les libertés acquises à la fin des années 50 et tout au long des années 60. C'est le racisme, c'est la montée des gangs dans les années 60 aussi, c'est l'apparition de la drogue. Hein. Bref, on peut suivre, on peut lire, si vous voulez, l'histoire intime de l'Amérique en lisant à leur suite les 53 romans qui composent la saga. Et puis on peut, parce que cette ville, Isola, de nombreux quartiers, des quartiers très différents. Donc, comme New York, enfin, exactement. Comme tous les, il y a, les villes, il y a Chinatown, il y a comme à San Francisco. Oui, comme toutes aussi, les grandes villes. Oui, dans toutes les grandes villes. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est vraiment là. C'est, effectivement, c'est une réalité urbaine. Hein, c'est vraiment une réalité urbaine. Les enquêtes du 87e district ne s'intéressent pas à la ruralité américaine. C'est la ville américaine. Alors c'est la ville américaine, donc que se passe-t-il de particulier? On tue comme ailleurs, on tue comme ailleurs. De plus en plus. La société américaine est une société assez violente, hein, de tout temps. Hein. C'est construit sur la violence et d'ailleurs on le voit aujourd'hui. Hein. C'est un pays brutal. Et McBain rend compte de cette réalité. Alors, il en rend compte, mais finalement, est-ce que c'est de plus en plus violent? Est-ce que les crimes sont... Parce que quand on lit les crimes... Ça dépend. Les années 50, ils n'ont pas grand-chose à voir. Enfin, les assassins sont plus gentils, voilà. C'est plus facilement arrêté, en tout voilà. cas. Voilà, oui, oui, absolument. Il y a une ambiance un peu plus gentille dans les années 50, probablement comme était la société également, hein. Un peu plus calme. Et effectivement, les choses se compliquent. Au fur et à mesure où on avance, hein, on peut voir aussi, mais vraiment il faut être très attentif, mais on peut voir aussi les moments où McBain était un peu déprimé par ce qu'il voyait, par le constat de la réalité de son époque. Vers la fin des années 60, dans les années 70, on sent une certaine inquiétude et une certaine tristesse également devant ce qu'il voit. Et en fait, il est reparti ensuite. Il a retrouvé un peu d'optimisme. Et alors, ces personnages, contrairement à Maigret, qui est avec Madame Maigret depuis toujours et pour toujours, et c'est très bien, on le félicite, les flics de Ed McBain, eux, ils ont quand même des variations dans leur couple. Enfin, ça évolue, ça bouge, ça divorce. Ça peut, oui, oui, oui. Encore une fois, il essaie de rendre compte d'une certaine... Mais ils ne vieillissent pas de 50 ans, eux. Non. Non, non. La série s'étale sur 50 ans de vie américaine, mais les personnages eux-mêmes vieillissent très peu. Hein, alors on voit un peu grandir les enfants de Steve Carella, qui est un des flics probablement le plus prééminent de la brigade, mais on va y en avoir un autre, Bert Kling, dont la fiancée se fait tuer, qui a énormément de mal à s'en remettre au fil des romans qui suivent. Un autre, Cotton Hose, qui est un grand baraquet, plutôt rouquin, qui a une mèche blanche dans les cheveux consécutives, un coup de couteau. Qui lui est très romantique, mais va d'échec amoureux en échec amoureux. Meyer, lui il est très fidèle à sa femme, lui c'est un monstre de patience, il est chauve et il doit son nom double, Meyer, à son paternel qui était un humoriste qui avait trouvé désopilant d'appeler son fils Meyer. Et... En tout cas, tous ces personnages récurrents, évidemment, créent une impression très, très charmante. C'est le mot, mais en tout cas, la familiarité est forte dans la lecture de tous ces romans. Et par chance, et heureusement, Ed McBain change chaque fois d'histoire, nous fait à la fois lire l'habituel et puis le renouveau. Oui, il réussit tout en conservant tous les archétypes de ces personnages, ainsi que leur personnalité, qui est très bien étudiée, encore une fois, il réussit quand même à faire évoluer. Il réussit à les faire, on va pas dire changer, car ils ne changent pas, mais en tout cas, s'adapter à la réalité, américaine. Non, mais après tout, les personnages, ils sont là, ils peuvent être figés. Ce qu'on veut, lecteur, c'est de l'intrigue. Oui. Et les intrigues sont là à chaque roman. Ah, oui, les intrigues sont là à chaque roman. Alors les titres sont, alors les titres du premier tome, c'est Du Balai, Le Sonneur, Le Fourgue, Faites-moi confiance, Victime au choix, Crédit illimité, Souffler n'est pas tué, puis après il y aura Mourir pour mourir, Le Démon à lunettes, Rançon sur le thème mineur, La main dans le sac, tout ça, c'est des titres français par définition, et donnés par qui, enfin. C'est par les éditeurs français. Il y en a certains qui sont aucun rapport, bien entendu, avec la traduction. Certains sont la traduction exacte du titre. Du titre américain, autrement non. Autrement, c'est des titres qui ont été... Le premier qui s'appelle Du Ballet, le titre américain, c'est Cop Hater. C'est le, celui qui... Enfin, le haïsseur de flic, en quelque sorte. C'est pas vous qui avez traduit ce roman-là. Vous en avez traduit quelques-uns ou retraduit ? Non, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire, c'est compléter les traductions car elles avaient été coupées à l'origine. Que ce soit pour la série noire ou aux Presses de la Cité dans la collection Un Mystère dans les années 50 et 60. Donc il y a quand même des gros bouts qui avaient sauté, un quart du texte à peu près. Oula. Alors là, et c'était les digressions justement, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus original dans l'œuvre de McBain. Ed McBain dans 87e District, les chroniques du 87e District, c'est en 9 volumes publiés chez Omnibus. On a parlé de Tout Maigret chez Simenon, c'est également 9 volumes. Il y a les mémoires de Simenon également en un volume. Gardner, un volume ou deux, je crois. Un seul. Non, il y en a deux chez vous, chez Omnibus. Mais c'est le même. Ah non. Non. Vous vérifierez. Ah non, l'autre, c'est A à faire. Voilà, c'est mais il y a aussi, Gardner plus A à faire qui est un pseudonyme. Avec des personnages différents, oui. Bon, eh bien, écoutez, merci Jean-François Merle pour tous ces. Vous nous donnez envie de lire Ed McBain et de découvrir dans l'ordre. Hein. Je crois que c'est bien de les lire c'est dans mieux. L'ordre. Oui, c'est mieux. En fait, chaque livre est indépendant. Hein. Oui, bien sûr. Les intrigues sont vraiment indépendantes. Mais parfois, on annonce dans le roman numéro 4 quelque chose qui va se passer dans le numéro 5 ou 6. Voilà. Il ne savait pas alors que telle chose. Donc, ça donne envie. C'est très bien joué. Merci Jean-François Merle. Donc, depuis le début de la nuit, on a entendu Les Maîtres du Mystère, l'affaire Le Rouge d'Émile Gaborio, une conférence de Claude Aveline sur le roman policier, est-il un genre littéraire, Les Exploits de Nick Carter, et puis une tribune de Paris sur le roman policier traditionnel et le roman policier noir, avec Marcel Duhamel, Pierre Nord, Simone Signoret, etc. Et on va pouvoir maintenant enchaîner avec une nouvelle de Frederick Brown, présentée par Francis Lacassin, et puis les enquêtes de Sherlock Holmes, le mystère de la chambre close d'Adrian Conan Doyle et de John Dixon Carr. On a rendez-vous avec Alice Jacquelin et Lucie Amir, et là on va parler de polar rural, car le polar rural existe aussi, mais pas seulement du polar rural, du polar européen, etc. On reviendra aussi sur l'exposition de la Bilipo. Puis, il y a du rififi chez les romanciers, une émission de Robert Sadoul avec Robert Gaillard, Auguste Le Breton et Francis Blanche. Ça date de 1954, un docu-fiction extravagant. Et on terminera cette nuit de la Bilipo par Cinéma pour les ondes, Le couteau dans la plaie, émission de Roger Régent et Jacqueline Adler. Merci Jean-François Merle.